Nabariki Mungu asubuhi ya leo. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Sababu ya upendo wake katika maisha yetu. Pour son amour dans notre vie. Ametupa tena tumalize juma na tufike leo. Il nous a permis de terminer la semaine et arriver au jour d'aujourd'hui. Na wema wake umekuwa upya siku kwa siku. Et sa bonté s'est renouvelée du jour au jour pour nous. Na kila moja wetu ni ushuhuda ya wema wa Mungu kwa maisha yake. Et chacun d'entre nous est un témoignage de la bonté de Dieu dans notre watu vie. Watu wakitaka kuona kwamba Mungu ni mwema wakuone tu wewe. Lorsque les gens veulent voir que Dieu est bon, qu'ils te voient toi. Sababu wewe ni kazi ya mikono ya Mungu. Parce que tu es l'œuvre de main de Dieu. Mungu amewekeza ndani ya maisha yako. Dieu a investi dans ta vie. Na uko hapa kwa kumtangaza aliyekupeleka kuwa hapa. Et tu es ici pour proclamer celui qui t'a donné l'opportunité d'être ici. Tuko hapa kwa sababu mtu alitaka tukue hapa. Nous ne sommes pas ici parce que quelqu'un a voulu que nous y soyons. Lakini kuna yule ambaye alitaka tukue hapa. Mais il y a quelqu'un qui a voulu que nous soyons là. Tangia hii dunia haijaumbwa. Avant que le monde ne soit créé, ametuona. Il nous a vus. Na ametutengeneza kwa ajili ya wokovu. Et il nous a formés, nous a préparés pour les salis. Na hata dunia itakapokuwa haiko. Même lorsque le monde disparaîtrait, atakuwa pamoja na sisi. Il sera toujours avec nous. Ndio maana tunasema asante Yesu kwa asubuhi ya leo. Et c'est pour cela que nous disons merci Jésus. Tutamshangilia kabla hatujasikia neno. Nous allons l'acclamer avant que nous écoutions la parole de Dieu. Amen. Tunashukuru Mungu kutupa tena kibali. Nous rendons grâce à Dieu pour la faveur qu'il nous a accordée. Tunashukuru kwa baba yetu mchungaji anayetuchunga katika huduma hapa. Nous remercions notre papa, le pasteur qui nous conduit dans les ministères ici. Tunashukuru kwa ushirika huu tunaokuwa nao ndani ya hii familia. Et nous vous remercions tous pour la communion que nous avons dans cette famille. Mungu atuneemeshe tuende pamoja mpaka tuingie Sayuni pamoja. Et que Dieu nous fasse grâce afin que nous entrions à Sion ensemble. Tuko tunatafakari kuweza kuendelea. Nous sommes en train de méditer. Nous sommes en train de méditer sur le thème comment avancer sans subir des irrésistibilités. Lakini tunataka kujifunza neno linalosema. Mais nous voulons écouter une parole qui dit les sources de mes avancées irrésistibles. Visima vya kuendelea kwangu bila kupingwa. Utakubali pamoja na mimi. Tu vas être d'accord avec moi. Kila hatua yote ya kwenda mbele. Que chaque étape d'une avancée inahitaji énergie fulani. A besoin d'une certaine énergie. Na énergie inapotoka. Et lorsque l'énergie est dégagée, inafaa sasa kuenda kuirudisha. Lorsque l'énergie a déjà été perdue dans le corps, il faut que cette énergie là soit renouvelée. Ndio maana tunaona Mungu akatupa tunaweza kutumia chakula mara mbili au tatu kwa siku kwa ajili ile energie ambayo imetoka wakati tulianza kutumika tuirudishe. Et c'est pour cela que nous pouvons prendre les repas trois ou deux fois par jour parce qu'il y a une énergie qui se perd et il faut que nous le récupérions. Na hata tunapolala ni ile ile tu système ya renouvellement ya énergie yenye ilikuwa imepotea. Même lorsque nous sommes en train de dormir, c'est le même système, nous sommes en train de récupérer l'énergie qui a été perdue. Na maisha ya kiroho haiko nje ya hizi sheria. Et la vie spirituelle n'est pas à l'extérieur de ces vérités. Ndio maana tunapaswa kutambua visima vyetu ni gani. Et c'est pour cela que nous devons découvrir, comprendre quelles sont nos sources. Wakati tunafikiwa tumechoka. Lorsque nous sommes fatigués. Sababu ni kawaida ndani ya ya marche. Parce que c'est normal dans la marche. Kuchoka wakati tumefurnir énergie. Être fatigué lorsque nous avions beaucoup travaillé, nous avions fourni énergie. Tumepungukiwa na nguvu sababu tulitoa énergie nyingi. C'est sentir de pourvu de force parce que nous avons beaucoup travaillé. Sababu yote katika maisha yetu iko inatuomba énergie. Dans toutes choses que nous faisons dans la vie, nous avons besoin d'une énergie. Même lorsque tu ne sais rien, lorsque tu es venu ici, il y a une énergie que tu as perdue. Et tu ne peux pas arriver ici sans avoir dépensé une certaine énergie. Et c'est système-là d'aller partir renouveler l'énergie perdue. C'est ce que nous voulons parler ce matin. Source zetu zenye tunaenda kupata ile nguvu ile énergie yenye tulidépenser wakati tunapenda kuavancer. Les sources auprès desquelles nous pouvons partir pour nous ressourcer, avoir une nouvelle énergie lorsque nous voulons avancer. Parce que sans le renouvellement de l'énergie, hakuna avancer. Il n'y a pas d'avancée. Ça va vous avancer. Parce que l'énergie. L'avancée, les avancées, ça a énergie. Slogan. Ce ne sera que des slogans. Hakuna mwenye anaweza avancer. Personne ne peut quel avancer. Quel que soit domaine. Quel que soit son domaine. Bila énergie mupia. Sans une nouvelle énergie. Na dotu nataka tuzungumuzie. Et c'est cela que nous voulons parler. Juu ya visima vyetu. Concernant nos sources. Na bila kuchelewa tunaangalia kwanza Psaume 87. Sans tarder, nous allons lire dans le livre de Psaume, le chapitre 87. Verset yake ya 7. Le verset 7e. Ambayo inakuja kwa kukazia hii thème ambayo tuko tunazungumza hii méditation yetu ya asubuhi ya leo. Qui vient pour donner une base au thème que nous sommes en train de développer ce matin. Verset 7 inasema hivi. Le verset 7e est en train de dire ceci. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent. Wanaimba na wanaocheza. Ils s'écrient. Wanasema. Toutes mes sources sont en toi. Visima vyangu vyote ni ndani mwako. Hawa ni waamini. Ceux-ci sont des croyants. Wametambua ya kwamba wanapaswa kuendelea kushota. Et ils ont découvert qu'ils doivent continuer à puiser. Lakini hapana kushota fasi yote. Mais pas puiser n'importe où. Wanasema visima vyetu vyote vya kuturudishia yote tuko nayo lazima. Et ils disent que nos sources auprès desquelles nous devons avoir tout ce dont nous avons besoin. Nguvu tunayohitaji kukata hatua mbele. La force dont nous avons besoin pour avancer de notre pas en avant. Baba uko na besoin ya nguvu juu uendelee kulea ile jamaa. Toi papa, tu as besoin d'une force pour continuer à élever cette famille. Oui, maman, uko na besoin ya nguvu juu ya kuendelea kulea ile jamaa. Maman, vous avez besoin de la force pour continuer à garder cette famille. Nilikuwa nasoma Esaïe 37. J'étais en train de lire dans le livre d'Esaïe 37. Verset 3 ikanishangaza. Et le verset 3 m'a étonné. Ikaniambia hivi. La Bible est en train de me dire ceci. Muangalie pamoja na mimi. Vous pouvez les regarder avec moi, Esaïe. Une réalité n'est pas. 37, vous pouvez voir la réalité qui s'y trouve. Inasema hivi. La Bible dit ceci. Ils lui dirent ainsi par Ézéchias. Ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel. Mais il y a peu de force. Les enfants vont sortir. Mais il n'y a pas de force pour qu'ils quittent. La plupart des fois, on joue pas le tout. Et la plupart des fois, nous nous retrouvons à ces opportunités. Il y a des opportunités que Dieu place au devant mais de nous. Nguvu ya kuaccéder kwa ile mais la force pour que nous accédions à ces opportunités-là. Mungu anaweza hata kufungua mlango. Dieu peut ouvrir même une porte. Nguvu ya kutosha hivi hatua kuingia mwele mlango. Mais la force pour que tu fasses un pas et que tu entres dans cette porte là. Le sujet à méditation yetu. Et c'est le sujet de notre méditation ce matin. Il Mungu atupe sote kupokea nguvu. Pour que Dieu nous donne à tous de recevoir cette force. Ambayo iko nécessaire. Qui est tellement nécessaire. Kwa ajili ya avancées zetu. Pour nos avancées. Paul akatu exhorte ndani ya Ephésiens 6. Paul nous exhorte dans Ephésiens 6. Chapitre 6 verset 10. Ephésiens 6, les versets 10. Paul conscient de cette réalité. Paul étant conscient de cette réalité. Écoutez la façon dont il nous exhorte nous tous ici. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Amen. Vous tous fortifiez-vous, allez vous ressourcer de force auprès du Père et du Seigneur. Parce qu'il sait qu'il y a des réalités dans ce monde et l'ennemi est en train de faire une adversité contre nous. Toute vie chrétienne est un combat. Tout ce que tu voudras faire sera lutté. Lorsque tu voudras aller en avant, il y a les gens qui se mettront à ton chemin pour s'opposer à toi. Même ce monde peut s'opposer à toi. Nous voyons que dans les avancées d'Israël, la mer rouge a été un obstacle. Il fallait une force pour traverser cet obstacle. Et cette force, d'où nous la tirons? Et c'est ce que Paul est en train de dire, de chercher cette force dans le Seigneur. Tu auras besoin d'une force. Ici, nous voulons étudier la première force. Nous la trouvons dans 1 Samuel chapitre 30. La première source auprès de laquelle nous pouvons nous ressourcer afin d'avoir la force, 1 Samuel chapitre 30. Nous allons la retrouver dans 1 Samuel 30. Tout à somme du premier au septième verset. Du premier au septième verset. Vas-y, Némi. Lorsque David arriva le troisième jour à Tsiklag avec les gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans les Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait de prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville. Et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus de force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été amenées à Shinoam de Jisréel et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de les lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Akimélec, « Apporte-moi donc le faude. » Abiathar apporta le faude à David. Et David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? » L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent des Bessor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. Amen. Amen. David en a fait face na upinzani mkubwa ndani ya maisha yake. David fait face à une grande opposition dans sa vie. Majira na nyakati yamebadilika. Les circonstances et les situations ont changé. Alikuwa naenda kwa Akish. Pale tuko chapitre 29. Au chapitre 29, on nous montre qu'il était en train de partir à Akish. Wa qui était le roi des Philistins. Kwa kuogopa Sauli ambaye alikuwa mfalme wa Israeli ambaye amekuwa adui wake. Parce qu'il avait peur de Saül qui était devenu le roi d'Israël et qui était devenu son ennemi. Nyuma ya David kufanya ile déplacement, adui wake Amalecite ameingia mu ville yake na kuichoma. Après que David ait fait ce pas là d'aller voir Akish le roi des Philistins, il y a ses ennemis Amalecite qui ont envahi sa ville. David alipokuja alikuwa face ya ville yenyewe yote yenyewe imechomwa. Et lorsque David était arrivé, il a rencontré toute la ville consumée. Non seulement ville imechomwa. Non seulement que la ville était consumée. Wamebeba watu wote mateka. On a amené captifs tous les gens qui s'y trouvaient. Bibi wa David watoto les femmes, les enfants, les collaborateurs, tout on a amené. Neema ya Mungu ilikuwa juu yake, Mungu akafunga tu nguvu ya mauti isibebe watu. Et la grâce de Dieu était sur lui de telle façon qu'il n'y a pas la mort qui a touché sababu les gens. Kuona roho kali ambao walikuwa nayo na bisirani walikuwa nayo. Parce que si vous voyez l'amertume, l'angoisse avec laquelle ces gens sont venus, la colère. Hawezi comprendre pourquoi habakuua watu. Et tu ne peux pas comprendre comment ils n'ont pas tué les gens. Et tu vas comprendre que la main de Dieu est en train de protéger les gens malgré la méchanceté des ennemis. Bien-aimé, sachez que Dieu donne toujours à l'ennemi des limites où il ne peut pas toucher dans notre vie. Malgré qu'il peut envahir dans notre vie, il y a des limites que Dieu lui fixera. Alors, et lui, tu ne touches pas ici. Tableau noir. Et en face maintenant de cette situation, watu wa Daudi wote wakamgeukia kutaka kumpiga yeye mawe. Tous les gens de David se sont retournés contre lui et ils voulaient le lapider. Kitu tu moi walikuwa wangali nayo kwa hii circonstance. La seule chose qu'ils avaient encore dans cette circonstance, ilikuwa kulia. C'était les pleurs. Na, Bible na sema, la Bible est en train de dire verset 4, balilia, mpaka bakakosa na nguvu ya kulia. Au verset 4, il dit que ils pleuraient jusqu'à ce qu'ils ont manqué même la force pour pleurer. Et tu vas comprendre que même en pleurant, nous avons besoin de la force. Et c'est pourquoi je vais dire à l'église, la force là que nous perdons dans les choses qui ne nous facilitent pas d'avancer. Convertissons ces forces en avancer. Hizi nguvu za kulia, hizi nguvu za manunguniko, hizi nguvu za kustresser, hizi zote nguvu tunapoteza inutilement. Ces forces que nous perdons dans les pleurs, dans des lamentations, dans des murmures, tout ce que nous perdons en vain là. Tu vas voir quelqu'un ne travaille pas. Et la journée passe, il est en train de consommer son énergie en vain. Canalise cette énergie hata kwa ajili ya kwenda kombele. Canalise cette énergie pour avancer. Acha kuchoma énergie inutilement. Et arrête de dépenser ton énergie inutilement. Ikafika wakati David aka stoppe. Il est arrivé à un moment où David a stoppé. Sababu alikuwa anakumbuka. Parce qu'il s'est rappelé. Au-delà ya hii adui amefanya. Au-delà de ce que l'ennemi avait fait, j'ai une source. Et il faut que j'aille puiser. Quelle est la source que David devait exploiter en ces lieux? Nous la trouvons au verset 6e. David reprit courage. On nous dit que Daoud a s'appuya sur l'Éternel son Dieu. Kwa kumtegemea Bwana Mungu wake. Lorsque nous nous appuyons sur l'Éternel, il y a une force que nous sommes en train de récupérer en s'appuyant sur l'Éternel. Bien-aimé, quel que soit ce qui arrive dans ta vie, quelle que soit la méchanceté de ton ennemi, nous voyons ici que notre première source est s'appuyer sur l'Éternel. Il ne sema Biblia kwamba laini wanayemtegemea mwanadamu. Lakini abarikiwe yule mtu anayemtumainia Bwana. Kumtegemea Mungu ni kisima kietu kia kushota nguvu. S'appuyer sur l'Éternel est une source dans laquelle nous puissons la force. Juste après tunasikia David akapata nguvu ya kupursuivre baadui yake. Et après nous voyons que David a la force de poursuivre ses ennemis. Et là, nous pouvons prendre directement la deuxième kisima source. Ya prière. C'est la source de la prière. Verset 8. Et nous la trouvons au verset 8e. Deuxième source yetu ya kushota nguvu. Notre deuxième source dans laquelle nous puisons la force. Fasi tunaweza kujiresource. Là où nous pouvons nous ressourcer. Ni prière. C'est la prière. Na hapo tunaona David. Et là, nous voyons David. Mungu, il est en train de consulter Dieu ya maombi. Au travers la prière. Bien-aimé, maombi ni source yetu ya kupata nguvu. Bien-aimé, la prière est une source dans laquelle nous puisons la force. Magumu yetu ni sababu tunazarau kuenda kushota kwa visima Mungu alitupatia. Bon nombre de nos problèmes, c'est parce que nous n'arrivons pas à aller puiser aux sources que Dieu nous tuna a données. Faire face na ma réalité. Nous faisons face à des réalités. Na ma défi. Nous faisons face à des défis. Na source ziko. Alors qu'il y a des sources. Lakini hatutaki. Mais nous ne voulons pas. Tu peux mourir de soif alors qu'il y a les robinets dans la parcelle et que tu ne puises pas. Il n'y a pas de l'eau dans la maison. J'ai compris dans notre christianisme aujourd'hui. De plus en plus développer l'esprit à paresse. Nous sommes en train de développer de plus en plus l'esprit de la paresse. De plus en plus esprit à négligence. L'esprit de la négligence. De plus en plus esprit comme ville à indépendance et à tujali. Indifférence, moi, il y a un esprit d'indifférence qui est en train de se développer en nous. Na tunaendelea kuishi vitu ambavyo havikukua prévu na Mungu sababu ya ile attitude négative. Et nous continuons à vivre des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu à cause de ces attitudes. Mtu anaweza kuwa na souffrir. Quelqu'un peut être en train de souffrir. Biblia inamuonesha kwamba la prière est une source unaweza shota. Et la Bible est en train de lui montrer que la prière est une source et il peut épuiser dedans. Anakataa kuexploiter les sources. Mais il refuse d'exploiter cette source là. Hata mchungaji anaweza kutuelezea tuombe. Même le pasteur peut nous dire prions. Mwangalie tu mikutano yetu ya maombi gizi watu wengi wanakuwa na réseau valable nyingi. Regardez que bon nombre de nos programmes de prière, beaucoup ont déjà des raisons pour ne pas participer. Lakini tunaangalia mu expérience ya Anne. Mais nous voyons dans l'expérience de Anne. Dans 1 Samuel chapitre yake ya kwanza. Dans 1 Samuel le chapitre 1er. Anne alikuwa na souffrir na kukosa mtoto. Anne souffrait parce qu'elle manquait d'enfants. Na rivale wake alikuwa na mtesa. Et sa rivale était en train de la mortifier. Lakini hii source ya prière. Mais la source de la prière. Kushota pale. Anne est partie épuiser dedans. Anne akageukia Mungu na kuanza kumuita. Et Anne s'est tournée vers l'Éternel et l'a commencé à l'appeler. Malgré magumu yake akaanza kuomba Mungu. Malgré ses souffrances, elle a commencé à prier. Lakini ninapenda wakati ilifika ku verset 17 ya chapitre 1er. J'aime lorsque ça arrive au verset 17 du chapitre 1er. Verset 18. Jusqu'à 18. Et il reprit la parole et dit: va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fit plus la même. Ameisha kutoka kumaombi, Mungu amemupa ashote exaucement, ashote amani, ashote mtoto na ikabadilisha sura yake. Elle est venue de la prière, Dieu lui a donné l'occasion de puiser l'exaucement, de puiser l'enfant, de puiser la résolution à son problème et son visage a sura changé. Nyingi ya watoto wa Mungu hapa. Il y a plusieurs visages des enfants de Dieu ici. Batoto mingi ya leo. Plusieurs enfants d'aujourd'hui. Tu vas voir quelqu'un de 30 ans. Tu peux croire qu'il a 50 ans. Le visage est déjà concerné par le stress. Et la personne ne rit plus, ne sourit plus. Parce qu'il est dépassé par les événements. Il est dépassé par les problèmes. Mais la source de la prière, il ne veut pas aller dedans pour puiser. Et le problème continue en s'accroissant. Le problème continue en s'accroissant. Bien aimé, la prière est une source. Et nous pouvons puiser dans la prière. Beaucoup de choses peuvent changer dans nos vies, dans nos circonstances, dans nos familles. Tout qui ombe tout. Plusieurs choses peuvent changer dans nos vies, dans nos familles, si nous seulement même si dans nous prions. Hata kanisa, même dans la nation. Hata ndani ya taifa, tout qui ombe tout. Si nous prions seulement. Mais wako wapi waombaji? Mais où sont les intercesseurs? Wako wapi wenyewe wataenda kushota kwa hii source? Où sont ceux qui vont partir puiser wako wapi cette source? Wababa kuenda kushota mwa hii source? Où sont ceux qui vont partir pour dans cette source et qui amènent la paix dans la famille? Balete exaucement, balete changement abatoto mujama. Et qui amène l'exaucement, le changement des enfants dans la famille? Kuomba. Nous tous, nous ne voulons pas prier. Tunataka ma solution nyeko rapide. Mais nous voulons des solutions rapides. Banjoma na bakasikia mtu mweko anakuya anafanya vitu to na watu wanaja pale. Et c'est pourquoi vous allez voir si on dit seulement il y a quelqu'un qui est en train de faire des miracles, tout le monde va s'enfuir là-bas. Hivi mbio mbio. Parce que nous voulons avoir des choses rapides. Tout comme une génération ya mtu mwana yone kwa na Biblia anasema niko na nzambe ya tikotak. Et nous sommes dans une génération où les gens sont en train de dire le Dieu du tikotak. Bien-aimé, wapendo, maombi ni source. La prière est une source. Lakini est-ce que ungali naenda shota kwa ile mai? Mais est-ce que tu continues à les puiser sur cette eau? Ulishotaka source ya maombi siku gani? Tu as puisé sur la source de la prière quel jour? Unaweza kuwa huruma ukafika ku village. Ça fait pitié lorsque tu arrives au village. Njia tu moya ambayo haiwezi kukua na mayani ni njia ya kuenda kumai. Le seul chemin dans lequel tu ne peux pas trouver les heures, c'est le chemin qui part à la rivière. Le seul chemin qui est clair là, qui est bien tracé, c'est le chemin qui part à la rivière. Parce que c'est le chemin dont tout le monde passe. Lakini mimi nawaza njia yetu ya kumai yetu. Mais je crois que notre chemin pour aller puiser de l'eau, il y a déjà des herbes qui poussent sur ce chemin-là. Est-ce que dans cette église, nous pouvons encore marcher sur le chemin de la prière? Allons puiser mwende dans la prière. Mwende mushote baraka. Allez puiser de la bénédiction. Mwende mushote batoto. Allez puiser des enfants. Mwende mushote salama ya jama. Allez puiser la paix, la tranquillité mwende de la famille. Sali. Allez puiser les jeunes salis. Filles, enda shota ndoa yako. Jeune fille, pas puiser ton mariage. Enda shota kazi yako, pas puiser ton travail et toi qui es chômeur. Unaitika kuwa chômeur. Tu acceptes d'être chômeur. Enda shota kazi. Pas puiser le travail. Enda shota, ambia mtu mwa enda shota, enda si shota, enda quelqu'un, enda pas shota, puiser, kungoya, pas puiser. Kungoya, enda shota. On t'attend, pas puiser. Samaki zilikuwa na ngoya Pierre, il fallait enda shote. Il y a les poissons qui attendaient Pierre et il fallait qu'il parte puiser. Il y a des bénédictions qui t'attendent, mais elles sont enfouies dans la source de la prière. Nous prenons une autre source. Ni source ya imani. C'est la source de la foi. Tunaipata ndani ya Josué chapitre 1, chapitre 13. Et celle-ci nous la trouvons dans Josué chapitre 13. Bana tueleze habari ya Caleb. On est en train de nous parler de l'histoire de Caleb. Histoire ya Caleb wanatuonesha namna gani Caleb Josué chapitre 14. Josué 14. Tunasoma ku verset 7, mais unaweza anza ku mwanzo. Tu peux commencer au premier verset. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnéa pour explorer le pays et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voix de Dieu. De l'Éternel mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse gira à Disa, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel mon Dieu. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir, soit pour entrer. Amen. Kwa miaka makumi mnane na tano, à 85 ans, Caleb hakupoteza nguvu. Caleb n'a pas perdu de force. Sababu secret yake ilikuwa ndani ya imani. Parce que son secret s'est trouvé dans la foi. Kuamini ni source ya nguvu. La foi est une source de force. Caleb aliamini promesse ya Mungu juu yake. Caleb a crié à la promesse de Dieu sur lui. La promesse de Dieu ne pourrit jamais. L'âge peut avancer. L'âge de Sarah avance. Mais promesse ya Mungu haiozake na haizeekake. La promesse de Dieu ne pourrit jamais, ne vieillit jamais. Promesse haizeekake. La promesse de Dieu ne vieillit ouais, jamais. Utazeeka. Toi, tu peux vieillir. Promesse itabaki ya vile vile. Mais la promesse va rester intacte. Caleb alijia accroché kwa ile parole. Caleb s'est accroché à la parole. Caleb alikruare kwa ile parole. Il a crié à cette parole. À 85 ans. Même à 85 ans. Ça fait maintenant plus de 40 ans. Et il faisait déjà plus de 40 ans. Alikuwa na ngoya accomplissement ya hii promesse. Il attendait l'accomplissement de cette promesse. Na wakati occasion ilikuwa favorable. Et lorsque l'occasion a été favorable, Caleb alisema niko tayari ku combattre. Caleb a dit je suis prêt à me combattre. Sababu kwa ku combattre il faut une force. Je suis prêt à combattre parce que pour combattre il faut une force. Kwa kuingia il faut une force. Pour entrer il faut une force. Kwa kutoka il faut une force. Pour sortir il faut une force. Na hii force unaipata katika source ya imani. Et cette force tu la tires dans la source de la foi. Bien-aimé, wakati wote unaendelea kuamini neno la Mungu. Bien-aimé, aussi longtemps tu continues à croire à la parole de Dieu. Utakuwa unashota nguvu mupya ndani mwako. Tu seras en train de puiser des nouvelles, de te ravitailler d'une nouvelle énergie. Utakuwa na nguvu ya kupigana. Tu auras la force pour combattre. Tu auras la force pour entrer là où tu dois entrer. Et tu auras la force de sortir. Il y a plusieurs situations dans lesquelles nous devons quitter. Il y a plusieurs liens dans lesquels tu te trouves, mais ce n'est pas ça ta vie. Il y a plusieurs qui vivent ici la vie dont Dieu ne veut pas. Mais tu es retenu là-bas parce que tu n'as pas la force pour t'en sortir. Plusieurs d'entre nous avions accepté certaines situations qui sont même venues de l'enfer. On dit qu'on n'a pas fermé la force de sortir. Que Dieu te donne la force que tu quittes dans cette situation. Que Dieu te donne la force que tu entres là où tu dois entrer. Esther, il fallait qu'elle entre au palais royal. Il fallait Esther atoke ndani ya statue ya huyu mtoto ambaye bazazi balikufa. Et il fallait que Esther sorte dans cette statue là dont elle est orpheline. Lakini hautafika mwenye expérience kama hauna nguvu. Mais tu ne peux pas vivre cette expérience si tu n'as pas de force. Tatosha nguvu wapi? Nous allons avoir cette force où? Ni wakati unamwenda unaamini neno la Mungu. C'est lorsque tu crois à la parole Toutes de Dieu. Toutes les fois unaamini promesses za Mungu. Toutes les fois que tu crois à la promesse de Dieu. Iko nguvu ya kutoka unapokea. C'est une force de quitter de sortir que tu reçois. Kuingia, c'est une force qui te donne Iko l'accès d'entrée. Nguvu ya changement unapokea. C'est une force de changement que Ndiyo tu reçois. Maana watu wa Mungu tusikose kuamini. C'est pourquoi homme de Dieu, femme de Dieu, ne laissons pas la foi. Tunaangalia hapa source nyingine ambayo iko tu humu. Nous voyons une autre source qui est là. Source ya parole ya Mungu. C'est la source de la parole de Dieu. Église du Seigneur. Kanisa la Bwana. Parole ya Mungu ni source ambayo Mungu anangojea tushote ndani nguvu. La parole de Dieu est une source dans laquelle Dieu veut que nous puissions la force. Wakati wote neno la Mungu uko mbele yake. Toutes les fois que la parole de Dieu devant toi. Unaisikia au unaimedite unaposoma. Tu la comprends ou tu la médites lorsque tu es en train de lire. Hii ni source ya uzima wako. Cette parole est une source de ta vie. Biblia yako ni source ya maisha yako. Ta Bible est une source de ta vie. Visima mingi vinafichama hapa. Plusieurs sources sont enfouies dans cette Ambavyo parole. Ambavyo vinaweza kukuja kukupa nguvu. Qui peut venir pour te renforcer. Kanisa ya leo na hii njia ya kuenda kwa neno la Mungu nayo tumekuwa wavivu, tumekuwa hatutaki, tunakuwa na bwaki, tunakuwa na kutokosa kula njoba nataka nini? Kukosa appétit spirituel. Plusieurs d'entre nous sommes devenus paresseux. Nous avions manqué même l'appétit de lire la parole de Dieu. Kwa naona batoto wengine balikuwa na katala kula. Nous voyons les autres enfants qui rêvaient de manger, alors on les faisait boire, manger la bouillie par force. L'enfant ne veut pas manger, mais la maman la force pour qu'elle mange la bouillie. Est-ce que le pasteur Eston va faire comme ça pour que nous mangeons la bouillie comme ça? Parce que plusieurs d'entre nous ne voulons pas. Manger la parole, lire la parole. L'appétit n'est plus là. Heureux ceux qui ont faim et soif de la vérité. Heureux ceux qui ont soif et faim de la parole de Dieu. Où est partie la faim de la parole de Dieu? Nous avons manqué de la foi parce que nous avions mangé il y a longtemps. 1 Samuel chapitre 30, tu vois ce qui est arrivé à un homme qui a mangé, ça fait longtemps. Voyons dans 1 Samuel 30. Verset 12. 1 Samuel 30, le verset 12. Ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et des masses de raisins secs. Après qu'il y mangeait, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture, point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. Plusieurs d'entre nous dans l'église de Dieu, nous avions mangé il y a longtemps. Les autres mangeaient seulement les dimanches. Mbele, la force pour avancer, toi qui ne manges pas la parole de Dieu, où va-t-il attirer? La force d'avancer sans la parole de Dieu, où allons-nous l'attirer? Que Dieu nous redonne la force pour aimer la parole de Dieu dans cette famille. Que Dieu nous donne encore l'appétit de la parole de Dieu. Et que nous ne soyons pas forcés pour que nous mangeons la parole de Dieu. Parce que nos sources sont ici. Luc 7:7. Dans l'XXX, cette personne a dit à Jésus, ou se mettoune no moja, neno moja, neno moja, neno moja inatosha, pour que ma fille soit guérie. Combien de paroles nous avons ici? Combien de paroles sont dans la parole de Dieu dans la Bible? Combien de versets sont nôtres dans la Bible? Si seulement quelqu'un peut reconnaître un seul mot, ça peut changer. Et quelqu'un qui pouvait mourir malade. Combien nous sommes en train d'être privés de cette source de la parole de Dieu? Parce qu'il nous manque l'appétit. Et tellement que le monde nous propose beaucoup de repas. Beaucoup d'images, WhatsApp, beaucoup d'images. Chakula iko mingi sana. Il y a beaucoup de nourriture, des images sur le WhatsApp, les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de nourriture. Maneno que Satan a fanya tupoke maneno mingi. Et le diable fait que nous recevions beaucoup de choses. Na inatuambrie. Et ça nous embrouille. Ha, tunashindwa kwenda shota mai. Et nous n'avons plus la force pour aller puiser dedans. Utupe tena kwenda kushota kwa hiki kisima. Que Dieu nous donne encore d'aller puiser sur cette source. Ushote neno. Et que nous puisions la parole. Tulikuwa naomba na mama moya ambaye alikuwa na combat ya nguvu mu famille. Nous prions avec une maman qui avait un combat dans sa famille, il y avait l'enfant qui était à l'hôpital. L'esprit de mort alikuwa na attaqué famille. Et l'esprit de mort attaquait la famille. Na busiku yote mama alikuwa anapiganishwa. Et toute la nuit la femme était en train de combattre. Mais elle était venue me témoigner au bureau. Akaniambia nisikia Roho Mtakatifu kwa ananiambia. Et m'a dit, j'ai entendu le Saint-Esprit qui me disait. Akiniambia hivi. Le Saint-Esprit me disait. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Kila silaha iliyotengenezwa kwa kupiganisha haitafaa kwa kazi yoyote. Na tena kasikia namwambia rien ne pourra tenuir. Na hakuna kitakacho kuzuru. Akaniambia nimesikia depuis niliposikia ile neno nimepata nguvu. Et m'a dit depuis que j'ai écouté cette parole, j'ai senti une force. Mungu kuna maneno mingi ya kutupatia nguvu kwa situation yote mbalimbali yenye tunakutana. Bien aimé, Dieu a beaucoup de paroles pour nous donner la force dans plusieurs situations que nous traversons. Spécifique kulingana na ile situation uko nayo gizi tu iko. Et il y a une parole spécifique concernant ta situation dans laquelle tu te trouves. Kupatia wewe avantage juu ya maadui zako. Qui va te donner un avantage sur tes ennemis? Mais il faut kwenda kwa ile source. Mais il faut que tu ailles sur cette source. Source nyingine ambayo tunapata. L'autre source que nous avons. Source nyingine ambayo tunapata. L'autre source que nous avons. Source nyingine ni source ya sagesse. C'est la source de la sagesse. Dans le Proverbe chapitre 24. Dans Proverbe le chapitre 24e. Verset 5 à 6, Némi tout sommeil. Les versets 5 jusqu'à 6. Proverbe 24, le verset 5 à 6, lisons au nom de Jésus. Un homme sage est plein de force, et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Car tu feras la guerre avec prudence, et les salis est dans le grand nombre de conseillers. Amen. Amen. Bien-aimés, la plupart des fois, hatuendelee tout par manque de sagesse. La plupart des fois, nous n'avançons pas parce que nous n'avons pas de la sagesse. Kwa source ya sagesse, hatuende kushota. Et nous ne partons pas puiser à la source de la sagesse. Une femme sage bâtira sa maison. La Bible même dit qu'une femme sage bâtit sa maison. Tout qu'on a la zima ya kumanifester sagesse. Nous avons besoin de manifester la sagesse. Dans cette génération ambamo munaja folie. Dans cette génération qui est remplie de folie. Ni sagesse il qualifiait Joseph katika action zenye alionesha. C'est la sagesse qui a qualifié Joseph dans les actions qu'il était en train de poser. Ni sagesse il distinguait Daniel katika ile royaume ambamo alikuwa. C'est la sagesse qui a différencié Daniel d'autres gens dans les royaumes dans lesquels il se trouvait. Il faut que nous nous approchions et que nous puisions à la source de la sagesse. Et la Bible est en train de dire que celui qui n'a pas de sagesse la demande de Dieu. Devant nous, il y a quatre chemins ou trois. Devant toi, il y a plusieurs amis. Et la sagesse va te conduire, choisis ceci et non cela. Il y a d'autres chemins qui paraissent bien. Mais ce chemin n'est pas bien. Sagesse, mais c'est la sagesse qui va te dire c'est pas ça. Église du Seigneur, tu m'caribie Mungu na tushote kwa hii source ya sagesse. Église de Dieu, approchons le Seigneur et puisons sur cette source de la sagesse. L'autre source. Tunaipata ndani ya Proverbe 10:11. Auprès de laquelle nous devons puiser, c'est dans Proverbe 10:11. La bouche du juste. Kinywa cha mwenye haki. Ni ikinywa ya mwenye haki ni chemchem ya sagesse. La source de juste est une source de sagesse. C'est une source de vie. Unapenda kuendelea. Lorsque tu veux avancer. Bien aimé kuendelea ya Esther. Les avancées d'Esther. Il dépendre na bouche ya Mardoché. Dépendait de la bouche de Mardoché. Est-ce que uko na Mardoché? Est-ce que tu as un Mardoché dans Est-ce ta vie? Est-ce que uko na coach? Est-ce que tu as quelqu'un qui t'enseigne, qui te guide? Dans chaque domaine, tu as besoin d'un coach. Ici, Dieu nous a donné une bouche qui nous conduit. Et tu peux t'approcher de là pour recevoir un conseil. Pour recevoir une édification. Pour que tu sois consolé. Auprès de quelle bouche tu tends tes oreilles? Tes oreilles ne sont pas une poubelle. Qui doit accepter que chaque bouche y jette ses saletés? Plusieurs bouches, lorsqu'elles sont ouvertes, ce sont les saletés qui y sortent. C'est les poisons. Et lorsque tu appliques ces paroles, tu as tout abîmé. Mais nous pouvons nous donner des gens sages pour nous conduire. Ta parole d'édification. Tu vas avoir la parole d'édification, le conseil. Tu peux avoir un conseil. Bien-aimé, hakuna kiwango kenye hauna besoin ya conseil. Bien-aimé, il y a pas une étape de la vie où tu n'as pas hakuna besoin de conseil. Hakuna kiwango ya élévation ya hutakuwa na besoin ya conseil. Il y a pas une étape d'élévation où tu n'as pas besoin de conseil. Kutoka kinywa fulani. Tu auras toujours besoin d'un conseil qui vient d'une bouche. Na hii ni source. Et cela est une source. Est-ce que uko na ile fasi unaendaka kujiresourcer, kupata nguvu hata kwa shauri? Est-ce que tu as quelque part où tu pars te ressourcer pour recevoir de génération la force ou un conseil? Notre génération d'aujourd'hui. Est-ce que dada mungana anaweza kusikia mama yako? Est-ce qu'il y a une sœur qui peut encore écouter sa maman? Wewe umeenda université? Tu es parti à l'université. Lakini hauna expérience ya ule mama mais hata hakwenda université. Tu n'as pas l'expérience de cette maman, mais même si elle n'est pas partie ule à l'université. Ule mama anajua maisha ya kuishi na mwanaume, ça fait karibu 30 ou 50. Cette maman a l'expérience de vivre avec un homme, ça fait 30 ou plus. Université haita kuambia ile expérience yenye yeye iko nayo. Et l'université ne va pas t'enseigner l'expérience qu'a cette maman. Na wengi mnakataa kusikia wa mama zenu. Et plusieurs refusé d'écouter leur maman. Plusieurs jeunes gens refusent d'écouter les conseils de leur père. L'église, nous refusons à écouter notre pasteur. Et cela nous fait à ce que nous soyons faibles. Nous voulons clôturer ici rapidement. Nous voyons une source auprès de laquelle nous devons puiser. L'autre source, c'est la source de l'enseignement du sage. Dans Proverbe 13, le verset 14. L'enseignement du sage est une source de vie. Pour détourner les pièges de la mort. Amen. Il y a des pièges de la mort devant toi. Kuna mitego ya kifo mbele yako. Mafundisho ya mwenye hekima. Mais l'enseignement du juste. Itakudetourner. Va faire à ce que tu sois détourné de ces pièges-là. Ya kanisa. C'est pourquoi la valeur de l'église. Ni mafundisho inye kondanya ile kanisa. C'est l'enseignement qui est dans cette valeur église. Ya baba. La valeur d'un père. Ni ile mashauri mafundisho kunapatia familia yake. C'est les conseils qu'il a entre de donner à sa famille. Unaikala kumigulu ya nani kuna kufundisha. Auprès de quel pied tu es assis pour qu'on t'enseigne? Heureusement uko mwa hii famille. Heureusement tu es dans cette famille. Na waza hii mafundisho Mungu ameituma juu ya kukusaidia. Et je crois que tous ces enseignements Dieu les a envoyés pour t'aider. Sasa zingine baba yako angepata hii chance. Peut-être ton père s'il allait avoir cette chance. Mambo yake inge famille namna yake ya kuongoza mambo ingebadilika. Sa façon de conduire les choses, d'orienter les choses pour changer. Bien-aimé, tu profites mwa hii grâce Mungu ametupa. Bien-aimé, profitons dans cette grâce que Dieu nous a donnée. Tunaweza kukaa hapa tupate conseil, tupate instructions. Nous pouvons nous asseoir ici pour avoir les conseils et les instructions. Et éviter les pièges qui sont nombreux sur le chemin de la vie. Lorsque tu veux avancer, il y a plusieurs pièges. Lakini mafundisho itakuepusha ile piège zote. Mais l'enseignement va t'épargner de tous ces pièges-là. Alafu bien aimé, tunapomaliza tusikose kumaliza bila kusema ya kwamba Yesu Kristo yeye mwenyewe ni source. Lorsque nous sommes en train de clôturer, nous n'allons pas clôturer sans dire que Jésus-Christ lui-même est une source. Daniel, Jean 4. Dans le livre de Jean 4, Jésus a dit, Maji nitakupa, l'eau que je te donnerai, ni, ukakunywa kwa hii maji yangu, si tu bois de cette eau, hauta, verset 10, verset 10, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. Tu lui aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau vive. Maji ambayo Yesu anapana ni maji ya uzima. L'eau que Jésus donne, c'est une eau de vie. Ndio maana tunapomwendea Yesu. C'est pourquoi lorsque nous partons devant Jésus, tuende kama wenye kuenda kushota hii maji ya uzima. Approchons-nous comme les gens qui partent puiser l'eau vive. Kila anayemkaribia Yesu, tout le monde qui s'approche de Jésus, considère Yesu kama source. Qu'il considère Jésus comme une source. Enye sherti ushote uzima wako. Et il faut que tu puises ta vie. Na uzima wa watu wengi. Et la vie de plusieurs personnes. Na anasema ku chapitre 7 ya Jean. Il dit au chapitre 7 du livre l'eau que je te donnerai, l'eau va jaillir jusqu'à l'éternité. En Jésus, il y a des sources que nous devons puiser dedans. Si tu vas dans le livre de Luc chapitre 8, je crois au verset 46, il y a une maman qui avait un problème, elle cherchait la guérison. Il a dépensé tout son argent devant le médecin. Mais par la grâce de Dieu, il y a une voix qui lui a montré que Jésus est une source. Et il y a une force qui est en Jésus que tu dois recevoir. Et la Bible dit que cette maman partit vers Jésus. Et elle a touché le pont de l'habit de Jésus. Écoutez ce que Jésus a dit. Il y a une force qui était sortie de moi. Une force est sortie de moi. Kuna nguvu imetoka ndani mwangu. Une force est sortie de moi. Kuna nguvu imetoka ndani mwangu. Toutes les fois tukimkaribia Yesu. Toutes les fois lorsque nous nous approchons de Jésus. Kama kisima. Comme une source. Tukimkaribia. Lorsque nous nous approchons de lui. Bien. Ona matukio. Voit les conséquences. Une force va quitter Jésus et qui vont entrer en nous. Il y a un transfert. Il y a force. De force. Où ta couille est faible. Tu vas venir étant Seigneur faible. Et le Seigneur Jésus va libérer cette puissance sur toi. Quel que soit ce que le diable aurait déjà planifié ou fait dans ta vie. La maladie avait déjà traîné. Cette force est partie pour s'occuper de la maladie. Toutes les fois que nous nous approchons de la présence du Seigneur, il y a une force qui quitte Jésus et qui descend dans notre vie. Laisse que cette force descende wakati sur toi wote hapa. Chaque fois que tu viens pokea ici, reçois cette force. Ndani ya situation yako. Que cette force descende dans ta situation. Ukona besoin ya secours mu champ de bataille. Tu as besoin d'un secours dans les champs de bataille. Acha hizi nguvu zishuke. Laisse que cette force descende. Na zishurulikie maadui walio kuinukia. Et commence à s'occuper des ennemis qui se sont liés contre toi. Que ça commence à s'occuper de ces maladies-là qui a pris tout son argent. Ton argent là est destiné à servir Dieu. Et ce n'est pas de l'argent pour commencer à les dilapider devant le docteur. Laisse que la puissance de Dieu arrête cette puissance qui vaut l'argent dans ta vie. L'argent que nous devrions manger avec les enfants. L'argent que nous pouvions amener pour faire à ce que l'œuvre de Dieu avance. Le diable veut à ce que cet argent là aille. La force avec laquelle nous devrions chanter Dieu. Cette force-là, elle tombe en bas. Damu itoke tu ipotee. Que le sang coule. Bwana, et que ça se perde. Ile milango ifungwe kwa jina la Seigneur, Yesu. Nous prions que ces portes soient fermées au nom de Jésus. Toka kwa Yesu. Que la force qui vient wakati de Jésus. Tunaingia hivi mu présence lorsque nous sommes trop dans la présence acha kila de mtu Dieu. Apokee pare yake ya nguvu kutoka kwa Yesu. Que chacun de nous reçoive sa part. Que vienne la force de Jésus, que ça s'occupe de toute la situation. En charge. Et que ça te prenne en charge. Ceux qui se sont levés contre toi. Baanze kuanguka moja kwa moja. Ils commencent à tomber un à un. Que les plans commencent à échouer un après l'autre. Et que la force de Jésus les éloigne de ta vie. S'ils ont pris ta richesse, qu'ils les laissent. S'ils ont pris ton héritage, qu'ils laissent. Parce que cette force va les réimposer. Pour qu'ils laissent ta vie. Na, leo tunaomba, baache maisha yako. Aujourd'hui nous prions qu'ils laissent ta vie. Yako. Qu'il laisse ta vie. Qu'il lâche ta maison. Qu'il lâche ta bénédiction. Qu'il lâche ta santé. Amani. Tu dois vivre dans la paix. Tu es venu ici ce matin amani. Pour puiser la paix. Mungu leo akupe amani. Que Dieu te donne aujourd'hui la paix. Mekosa siku nyingi. Que tu as manqué pendant longtemps. Leo sura yako imenga. Et que tu rentres aujourd'hui avec un visage rayonnant. Et lorsque les gens qui te voyaient pleurent, lorsqu'ils vont te voir, qui te voient et ton visage changé. Et tu portais l'opprobre. Laisse que la force de Jésus enlève l'opprobre sur ton visage. Maria, Jésus a dit à Marie, amini, si tu crois, utaona tu verras la gloire de Dieu. Ona utukufu wa Mungu na wewe. Vois la gloire de Dieu aussi. Ona utukufu wa Mungu na wewe. Vois la gloire de Dieu aussi. Ona utukufu wa Mungu na wewe. Que tu vois aussi la gloire de Dieu. Tu as vu l'opprobre. Aujourd'hui c'est la fin de l'opprobre. Aujourd'hui c'est le commencement de voir la gloire dans ta vie. Histoire mupia. Une nouvelle histoire. Leo pamoja na wewe. Que cette nouvelle histoire pamoja commence aujourd'hui avec toi, avec les Leo Seigneurs. Ni siku mupia. Aujourd'hui c'est un nouveau ni jour. Siku mupia. C'est un nouveau jour. Ya jana les souffrances d'hier sont passées. Ya jana les souffrances d'hier sont passées. Le chômage d'hier est passé. Na leo inaanza histoire mupia. Et aujourd'hui c'est une nouvelle histoire. Yesu. Parce que lorsque nous croyons si, si en Jésus, nous sommes des nouvelles créatures. Reçois une nouvelle Pokea vie. Reçois une nouvelle vie. Kutoka Bwana wetu Yesu Kristo. Au nom de Jésus. Ivi ndugu zangu. Mes frères. Visima hivi vyote. Toutes ces sources. Vina tungoja. Nous attendent. Réalité à Jéricho. La réalité de Jéricho. Visima vyao vilikuwa naleta kifo. L'air à source, l'air rivière amenait de la mort et la stérilité. Lakini sisi vyetu. Mais nous, nos sources. Vinaleta uzima. Nos sources à nous amènent la vie. Hapa kwenye unakuja mkanisa. Là où tu es venu ici à l'église. Hapa hukukuja kushota malédiction. Ici tu n'es pas venu pour puiser la malédiction. Hapa ulikuja kushota bénédiction. Ici tu es venu na pour puiser la bénédiction. Kutoka humu na bénédiction. Et lorsque tu vas quitter ici, tu vas rentrer avec toutes la bénédiction. Les fois unapoingia humu. Toutes les fois que tu viens ici. Huko unakuja mkisima kya Bwana. Tu es en train de venir au Bwana du Seigneur que Dieu a établi ici à Goma. Kwa ile wakati kisima kilikuwa Bethesda. À ce moment-là, la source se trouvait à Bethesda. Watu walikuwa wanakuja moja. Et les gens venaient et na wakipata solution zao. Et ils trouvaient la solution à leur problème. Et cette maison est une maison de solution. Cette maison est une maison de solution. Pour le peuple de Dieu qui est dans cette vallée. Watakuja humu kupata uzima. Ils viendront ici pour avoir la uzima. Vie. Parce que cette maison c'est une maison de vie. Hakuna mauti mwa hii nyumba. Il n'y a pas de mort dans cette maison. Parce que c'est une maison de vie. Humu, Bwana, utupe uzima. Nous sommes venus ici pour que le Seigneur nous donne la vie. Kuja kukutana na Bwana wa uzima. Il rencontre les dieux de vie. Pokea uzima wako. Reçois ta vie. Katika jina la Yesu. Au nom de Jésus. Tutaomba Mungu. Nous allons prier le Seigneur. Visima hivi vyote vinatungojea. Toutes ces sources nous attendent. Lakini tunisherti tuende. Mais il faut que nous y allions. Si tumwambie Mungu tupe nguvu ya kuendea visima hivi. Disons à Dieu, donne-nous la force d'aller auprès de ces sources. Tukatae kushikaribia hivi visima. Pourquoi nous refusons d'aller auprès de ces sources? Kama tumetambua kwamba toutes nos sources sont à toi Père. Si nous avions découvert que toutes nos sources sont en Dieu. Tukaribie kwa kupokea. Approchons-nous pour recevoir. Ninaya Mini damu ya kuna namu salaba wako Yesu mokozi wako. Nous allons nous lever s'il vous plaît. Napata pata yote kwako. Jésus, quel privilège de t'appartenir, Jésus. Quel privilège d'être à toi, Jésus. Jésus est merveilleux ce matin. Il est la source de vie, la source de ta richesse, la source de salut, la source de ta santé. Il peut restaurer ce matin le Dieu fidèle. J'aimerais qu'on acclame bien Jésus. Alléluia. Acclame bien Jésus. Jésus. Alléluia.